Bonjour tout le monde. Effectivement, je vais vous présenter des réflexions en fait en cours dans le cadre de mon projet de thèse, donc qui est en fait une refonte de mon cadre théorique après plusieurs terrains d'enquête effectivement que j'avais fait au Québec, suite à quoi voilà, j'ai remis sur la table un peu le cadre théorique et notamment la question de l'approche des utopies et plus précisément l'approche des utopies réelles de Eric Olin-Wright. Dans un premier temps, je vais revenir rapidement sur le retour de l'utopie dans les sciences sociales critiques et dans certains champs marxistes en particulier. Puis je vais essayer de dégager en fait les avantages et les limites de cette approche. Je vais surtout axer sur l'approche d'Eric Olin-Wright, qui est parmi les plus populaires en ce moment. Il y a deux semaines, ici précisément, on était plusieurs ici à être au colloque sur autour de la pensée d'Eric Olin-Wright. Et puis je vais proposer donc certains ajustements, aménagements conceptuels, méthodologiques, sur lesquels c'est un travail encore en cours, donc je les soumets à la discussion. Et puis je vais essayer d'illustrer quand même avec des données un peu empiriques de terrain. Et je pense que ça va faire écho à pas mal de choses qui ont été dites depuis hier et surtout depuis ce matin, donc pas mal de réflexions effectivement sur les liens entre alternatives et formes dominantes. Donc sur le retour de l'utopie, je vais pas refaire l'historique long et complexe entre des liens entre marxisme et utopie, mais on constate en tout cas depuis quelques années un retour en grâce de l'utopie, et y compris dans les sciences sociales critiques et dans les courants néo-marxistes. Donc là, on pourrait s'amuser à relier qui a utilisé quel concept, mais en tout cas, on voit qu'il y a quand même un appétit pour l'étude d'alternatives réellement existantes. Et donc, des penseurs et penseuses qui viennent d'horizons théoriques différents, mais qui partagent une critique de la théorie critique, enfin, en tout cas, d'une théorie critique un peu intransigeante, qui verrait les alternatives forcément comme des béquilles fonctionnelles pour le capitalisme de plateforme, et donc qui sont donc critiques d'approches qui sont, c'est pas très français, sur l'explication de la force de la domination capitaliste et l'implacable reproduction de ces structures. Donc l'approche des utopies, l'étude des utopies réellement existantes a été placée au cœur du programme de recherche de Eric Olin-Wright et Michael Burraway. Qui positionne comme un programme au service de la critique radicale des institutions du capitalisme et comme un projet politique d'alternative égalitaire. Donc en fait, tout l'enjeu, c'est d'articuler les deux, évidemment, donc à la fois critique et une construction. Pourquoi ce retour des utopies, c'est pareil, ça pourrait être un sujet en soi, mais simplement pour énumérer les hypothèses qui sont les plus souvent avancées. Premièrement, c'est que la polarisation et l'homogénéisation des classes et l'intensification des antagonismes de classe a été plutôt démentie au XXe siècle, et le capitalisme a montré une capacité impressionnante à s'adapter et à se reproduire. Qui a fait donc s'éloigner la perspective d'une rupture imminente révolutionnaire, et donc ce qui a poussé certains à ne plus attendre finalement que le capitalisme meure de mort naturelle sous le poids de ses propres contradictions, mais plutôt par la prolifération d'alternatives coopératives communes, économie sociale et autres utopies. Et toutes ces formes alternatives d'organisation qui ont pu être en quelque sorte banalisées pendant le régime fordiste et qui reprennent finalement un rôle de moteur d'innovation sociale en période de crise, donc crise du fordisme, et puis on pourrait dire crise du post-fordisme maintenant. Et donc toutes ces petites alternatives figurent en bonne place dans les rangs de ces utopies réelles. Voilà. Puis on peut aussi peut-être mentionner l'influence de la labor geography, qui met beaucoup en lumière la manière dont travailleurs, travailleuses produisent des espaces et façonnent des géographies alternatives. Qu'est-ce qu'une utopie réelle? Là, j'ai quatre définitions, dont trois qui sont à trois pages d'intervalle dans le Utopie réelle de Eric Wright, et trois définitions qui sont assez différentes. Donc on voit que c'est quand même assez difficile de définir ce que c'est. En gros, on parle d'alternatives qui sont portées par la société civile, qui ont un rôle d'innovation institutionnelle et qui démocratisent à la fois l'économie et l'État à travers un processus de renforcement du pouvoir d'agir social, un concept assez central chez Wright, et donc il voit comme un pouvoir collectif d'auto-organisation. Donc ce qu'on voit, c'est que, par exemple, la première définition, il y a un double rôle des utopies réelles, à la fois comme fin et comme moyen. Donc l'objectif de la transformation et la manière d'amener le changement, donc comme préfiguration et comme transformation. Dans les définitions et même dans les développements, l'articulation entre les deux, la dynamique entre les deux n'est pas forcément très, très claire. En tout cas, c'est un refus du fonctionnalisme des approches critiques plutôt intransigeantes qui permet donc de penser, malgré la reproduction du capitalisme, de penser quand même des transformations, du changement et des processus d'institutionnalisation par le bas. Donc les avantages de son approche, ben, je pense que premièrement, c'est un cadre théorique et conceptuel qui a un coût d'entrée assez faible. Il y a une très grande clarté conceptuelle, pédagogiquement, c'est extrêmement efficace dans l'écriture, dans la présentation des concepts. Il y a beaucoup de typologie, de schématisation, beaucoup de pistes en fait aussi pour opérationnaliser sur des terrains d'enquête, chose que Wright a finalement assez peu fait lui-même. Une ouverture et un pluralisme stratégique, en fait, il catégorise donc différents types de stratégies pour s'attaquer aux structures du capitalisme et en étant un petit peu agnostique par rapport à toutes ces stratégies-là. Et c'est même un cadre analytique qui permet d'envisager la cohabitation qui suppose la complémentarité un peu naturelle des différents types d'actions collectives qui vont émerger de la société civile. Et puis c'est aussi un cadre qui donne aux acteurs en lutte le sens d'un front large anticapitaliste. Et puis c'est une approche qui est dite souvent réaliste ou raisonnable, puisque la rupture révolutionnaire semble improbable, et du coup, c'est comment faire avec l'existant et la conjoncture. Donc, on voit que c'est intéressant, en fait, on voit que dans ces typologies de stratégies pour éroder le capitalisme, donc il fait différentes catégories, apprivoiser, résister, écraser, fuir. Donc on peut placer en fait l'action des plateformes coopératives à ces différents niveaux, visant à écraser le capitalisme quand les coopératives sont en compétition frontale ou quand elles soutiennent les actions collectives de travailleurs. Soit des stratégies d'exit, donc en se réfugiant dans des niches de marché, le plus souvent en fait en résistant aux effets néfastes du capitalisme de plateforme, ça a été dit ce matin, la professionnalisation du travail, le réencastrement des algorithmes, la démocratisation au travail, et donc beaucoup plus rarement l'institutionnalisation de ces innovations sociales. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette approche, donc, toutes ces actions, tous ces types d'actions se valent. C'est l'ouverture au pluralisme stratégique de Wright. Donc même une stratégie d'exit pour lui, en fait, simplement la multiplication des alternatives en soi contribue à la construction d'une contre-hégémonie. Donc tout est bon à prendre. Je pense qu'on pourrait dire que cette approche, les défauts de ces qualités, donc en termes épistémologiques, je suis passé rapidement à l'explication du passage de l'argument historique, donc c'est-à-dire la capacité d'adaptation du capitalisme à l'argument épistémologique, méthodologique, donc c'est-à-dire à l'étude des utopies réelles, est un peu rapide, donc il ne développe pas énormément. Et puis, c'est une approche qui encourage finalement assez peu la réflexivité sur la posture a priori du chercheur vis-à-vis de ces objets d'enquête. En termes théoriques, il y a en fait pas vraiment de réflexion sur les arbitrages ni sur la potentielle concurrence entre les différentes stratégies. Il n'y a donc pas vraiment de réflexion sur l'organisation politique, sur la question des institutions, du parti, de l'État. La dialectique entre la fin et les moyens n'est pas très claire. Voilà, l'agnosticisme sur la combinatoire des stratégies fait en sorte que vraiment, on a l'impression que lui, il a foi dans la main invisible des alternatives et dans la société civile. Donc vraiment, tout repose sur l'auto-organisation de la société civile qui ne définit pas très précisément ce qui lui a valu d'être décrit comme un marxiste tocquevillien. Et puis le concept de pouvoir d'agir social, qui est vraiment le juge de paix pour mesurer en fait en quoi les utopies réelles démocratisent la société, c'est un concept qui reste assez flou. On ne sait pas vraiment qui le porte en fait. Et ce qui est étonnant, c'est que donc Wright a passé la première moitié de sa carrière à analyser la stratification des classes sociales, et là on ne sait pas vraiment exactement de qui on parle, quelle composante dans la structure de classe, par exemple. Donc il évoque la classe ouvrière, quand il précise, mais comme un ensemble présumé plutôt homogène avec des intérêts communs, donc sans vraiment porter attention aux fragmentations, aux fragmentations sociales, notamment de genre et de race, ce qui me semble, dans le cas des plateformes, assez problématique. Et puis, d'un point de vue méthodologique, donc il a fait preuve, en tout cas lui dans ses travaux, ce qu'on lui a reproché, c'est un manque d'empirie par le bas, d'attention aux acteurs réellement existants. Il a des non-développements sur et le revenu minimum qui a été assez peu expérimenté réellement, ou sur l'économie sociale québécoise qu'il considère comme un Eldorado, mais il se base pour son analyse sur les échanges qu'il a eus avec une personne qui a mené un grand chantier de développement de l'économie sociale, mais pas vraiment par les groupes à la base. Voilà, je pense que je... Non, ça. Je ne sais pas trop accélérer le débit, c'est bon. Et puis, on a en fait, le problème de définir et d'identifier a priori ce qu'est une utopie réelle, avant d'aller se plonger sur ses effets et ses liens avec entre l'alternative et le mainstream, et savoir comment est-ce qu'a priori on les définit. Est-ce qu'on a un peu de réflexivité par rapport à ça? Donc là, les critères sont assez flous. Et puis, il y a certaines limites qui sont plutôt inhérentes à l'échelle d'analyse plutôt micro de ces initiatives locales. Donc, je vais faire quelques propositions. Je vais passer rapidement sur celle-ci. Mais déjà, je pense que c'est intéressant d'expliciter un peu les présupposés de la recherche. Notamment, donc par rapport aux critères d'identification et de repérage des utopies réelles, donc que ce soit en fait en termes de principes de valeurs véhiculées par les organisations, notamment dans leurs ambitions ou leurs discours, que ce soit des pratiques organisationnelles concrètes distinctes des acteurs dominants, ou que ce soit plutôt en termes processuels, donc c'est-à-dire les relations qu'entretiennent ces alternatives avec le mainstream. Et non pas pour figer en fait dès le début de l'enquête ou du terrain une posture claire, mais simplement d'avoir une réflexivité tout au long, quitte à changer en cours de route, mais je pense que ça peut amener des émergences justement assez intéressantes d'avoir une réflexivité par rapport à ça tout au long du processus. De la même manière, en termes de posture du chercheur ou de la chercheuse vis-à-vis de l'objet, je pense que c'est intéressant aussi de voir comment on se positionne et comment potentiellement on évolue, ou comment spontanément peut-être on peut être amené à avoir parfois une posture plutôt antagoniste ou accommodationniste ou agoniste, et comment tout ça peut aussi bouger au cours de l'enquête et de l'analyse. Donc voilà, l'idée encore une fois, c'est pas forcément de dire je considère les utopies réelles comme ça et moi me positionne comme ça, mais c'est plutôt de garder un caractère indéterminé et une réflexivité sur ces éléments. Ensuite, je pense que c'est assez essentiel, puis on en a pas mal parlé aujourd'hui déjà, mais l'idée d'expliciter, de clarifier le rôle attendu ou projeté de ces utopies réelles, de ces alternatives. Donc, quelle est leur vocation, comment est-ce qu'on voit leur vocation, comment est-ce qu'on va, ça influence en fait la manière dont on va le regarder, dont on va ce qu'on va chercher à voir et à analyser. Soit une préfiguration d'une organisation émancipatrice, dans ce cas-là, on n'a pas besoin de penser nécessairement tout de suite à sa généralisation, mais on envisage la contribution de l'utopie réelle en termes d'imagination, en termes de discours alternatifs, donc voilà, de construction de contre-hégémonie, peut-être dans une optique de guerre de position, donc en attendant des conditions plus favorables pour une phase ultérieure de transformation plus radicale. Est-ce que simplement c'est une. Est-ce qu'on considère que c'est une incarnation de la diversité institutionnelle? Ça a été mentionné aussi ce matin. Mais dans ces cas-là, il faut se demander, je pense, est-ce que le fait qu'il existe des alternatives représente un choix pour tout le monde, pour tous les consommateurs, consommatrices et travailleurs, travailleuses? On a souvent répété aussi le manque de moyens financiers et bien souvent en marketing pour ces plateformes coopératives. Donc le fait que des alternatives existent ne représente pas un réel choix, je pense, et pour les travailleurs travailleuses comme Exit et pour les consommateurs non plus. Si on se place dans une optique de généralisation des alternatives, là encore, on peut se poser la question, est-ce qu'il suffit d'une prolifération des utopies réelles? C'est un peu ce que prône Wright, qui vont de fait fragiliser les structures, grignoter en fait les structures de reproduction du capitalisme et l'amener à se transformer graduellement. Dans ces cas-là, c'est vraiment la présence nombreuse d'alternatives qui en soi provoque le changement. Sachant que dans le cas des coopératives, les plateformes coopératives, c'est un modèle qui ne contient pas nécessairement en soi le principe de sa généralisation, contrairement à la logique capitaliste, dont on sait que par les lois de la concurrence et du profit, elles suivent une dynamique naturelle de s'étendre et de se généraliser. Donc si on se place dans l'optique d'une généralisation et d'un remplacement progressif, il y a théoriquement et empiriquement des questions à se poser à ce niveau-là. Sachant que avoir une organisation productive non capitaliste n'induit pas nécessairement que l'on attaque ces structures. Je pense que là, dans la dernière décennie, on a pu remarquer la prolifération des plateformes coopératives, c'est effectivement assez impressionnant, mais sur la même période, par exemple, le chiffre d'affaires d'Uber a été multiplié par 4,7. Donc, on pourrait dire, finalement, ces alternatives, si on pense en termes de substitution, ne dérangent pas les acteurs dominants. À la rigueur, on pourrait même faire l'hypothèse qu'au contraire, puisque visiblement, ça n'a pas empêché Uber de quintupler en termes de taille. Je pense que c'est aussi un discours qu'on retrouve souvent dans ces alternatives dire qu'en existant et en démontrant qu'une autre économie est possible, on va finir par fragiliser le modèle des grandes plateformes. Je pense qu'on trouvait ça aussi parfois chez CoopCycle, l'idée que les financements abondants en capital risque des plateformes de livraison vont se tarir, que ce sont des modèles qui resteront toujours déficitaires et que, donc, en attendant, faisons le dos rond et après elles vont finir par s'écrouler toutes seules. J'ai l'impression que cette perspective s'éloigne toujours. Vu les récents résultats publiés par Uber, je pense qu'il vaut mieux pas trop compter là-dessus. Tout ça pour dire que je pense qu'il faut garder une réflexivité sur le potentiel subversif des alternatives, mais aussi son potentiel fonctionnel dans la régulation du capitalisme de plateforme. Dans certains cas, ces alternatives peuvent servir de complément de gamme sur des marchés segmentés, ou des marchés que parfois les alternatives segmentent elles-mêmes. voire de complément d'âme, donc qui peuvent justifier de ne rien changer. Évidemment, ça peut servir aussi à un discours libéral de bon, bah, si l'alternative existe, donc pas besoin de passer par l'institutionnalisation de ces innovations. Et puis, j'en viens au problème du pouvoir d'agir social, donc ce qu'il appelle en anglais social empowerment, donc qui est assez peu décortiqué, défini. Moi, je pense que ça a été souvent utilisé, mais effectivement, les catégories de Albert Richman sont assez utiles pour préciser en fait les différentes stratégies qui s'offrent aux acteurs pour le changement. Je pense, et ça c'est un questionnement que j'ai, je confesse que je n'ai pas vraiment cherché à creuser, mais je ne sais pas pourquoi Wright n'a pas connecté en fait ce concept avec celui qu'il a contribué à développer, enfin l'approche qu'il a contribué à développer, qui est celle des ressources de pouvoir, labor power approach, qui est assez précise, qui distingue pouvoir structurel sur le lieu de travail, sur le marché du travail, pouvoir associatif, discursif, institutionnel ou de coalition. Je pense que ça permet, puis en termes opérationnels, de vraiment décortiquer en fait les effets des alternatives. Et puis, ce qui me semble aussi manquer, je l'ai mentionné rapidement, mais c'est que ce pouvoir d'agir social, il repose visiblement sur la société civile, mais il ne tient pas nécessairement compte d'une distribution différentielle du pouvoir d'agir social. Donc, je pense que, en tant que ressource pour l'action, en tout cas, dans le cadre des plateformes, les travailleurs et travailleuses de plateformes sont très clairement fragmentés et stratifiés, notamment en termes de genre et, je pense, de race aussi. Et donc, il faut se rendre capable, je pense, de décomposer cette main-d'œuvre. Et notamment, je trouve que, on ne le fait pas souvent, et je m'inclus dedans, l'effet que qu'ont les alternatives coopératives sur leurs membres, mais sur les autres travailleurs qui restent, eux et elles, prisonniers des plateformes dominantes. Donc voilà, je pense que j'insiste sur ce point, je pense que c'est un angle mort important de l'approche de Wright. D'autant plus qu'on se rend compte que les coopératives, bien souvent, ne représentent pas une possibilité, une option d'exit ou d'exode, c'était traduit hier comme ça en français, pour la très grande majorité en fait, des travailleurs et travailleuses de plateforme. Je pense qu'on en fait tous le constat, qui semble réservé quand même à une classe moyenne blanche avec des capitaux culturels assez importants. Donc ça veut pas. En fait, il faut quand même se poser la question, est-ce que c'est la présence de ces alternatives, outre le fait de représenter une option de d'exit, mais est-ce que potentiellement elle renforce ou elle affaiblit la voice des travailleurs et travailleuses qui restent dans les plateformes dominantes? Je pense en tout cas qu'il faut avoir ça à l'esprit. Voilà. Ça c'est simplement pour illustrer la typologie des ressources de pouvoir qui je pense est un outil assez intéressant mais que Wright semble avoir laissé tomber à la fin. Et finalement la dernière proposition c'est de par rapport au problème de l'échelle et de la méthode de l'étude de cas en fait de s'intéresser en fait de dépasser les frontières organisationnelles et plutôt pour aller vers des frontières géographiques ou politiques, et notamment au niveau de la ville, je pense qu'il y a une unité de base opérationnelle et réglementaire, qui permet de redonner de l'importance au territoire, et aussi, je pense, de s'intéresser à certains territoires où des alternatives ont été lancées, mais ont fini par échouer, ou même à certains endroits où on voit l'émergence de plateformes coopératives, par exemple en livraison mais pas en transport, ou l'inverse. Et je pense que c'est aussi intéressant de voir ce qui peut mener parfois à l'absence d'utopie. Et puis ce qui permet aussi d'adopter une perspective relationnelle, donc de comprendre les utopies réelles dans leur environnement, en lien avec les autres mouvements sociaux. Parfois elles en sont, parfois les mouvements sociaux sont à l'initiative, parfois ils sont en compétition. Donc, je pense que c'est vraiment important de comprendre pourquoi. Et puis, on a aussi entendu ce matin pas mal le niveau méso. Je pense effectivement, je me suis intéressé dernièrement à l'approche méso-économique telle qu'elle a émergé depuis une dizaine d'années, je pense, de l'école régulationniste, et notamment Thomas Lamarche, Catherine Baudet, Justine Vallon. Et donc, qui effectivement s'intéresse à la capacité instituante des alternatives en tant qu'elles arrivent à se constituer en écosystème et qui donc créent en fait des espaces dans lesquels leurs innovations organisationnelles peuvent être traduites en innovations institutionnelles. Mais ce qui, je pense, reste encore très minoritaire dans le cas des plateformes coopératives. Je pense que les écosystèmes de plateformes coop sont encore assez faibles, mais qui est une perspective, je pense, assez intéressante. Mais voilà, je pense que ce que je voulais aussi mentionner, c'est de garder toujours en ligne de compte, s'intéresser en fait à ce que font toutes ces alternatives aux travailleurs travailleuses qui restent très majoritairement dans les plateformes capitalistes de l'autre. Voilà. Et simplement pour illustrer rapidement à partir de deux cas, donc Eva Coop, qui est une coopérative de transport et de livraison qui a émergé au Québec en 2017. Dans un contexte où en fait, il y a eu quasiment aucune, en fait, je pourrais dire, aucune mobilisation de travailleurs travailleuses de plateforme. Donc on n'a pas eu de stratégie de voice n'a pas été utilisée, mais dans le cadre d'un marché d'emploi qui est assez tendu et qui finalement facilite l'exit et qui permet d'offrir des conditions de rémunération, en tout cas en période prospères qui permettent l'apathie pour certains chauffeurs et livreurs. Et donc, dans ce contexte-là, a émergé une coopérative qui ne vient pas du tout de mobilisation ni de chauffeurs ou livreurs, mais pas, qui a été fondée par deux jeunes diplômés, entrepreneurs sociaux. Et qui, pour pouvoir opérer et mettre leur application sur le marché, ont contribué aux côtés d'Uber à des actions de lobbying pour déréguler l'industrie du transport et pour pouvoir opérer à ses côtés, être intégré dans le projet pilote qui a mené à la dérégulation complète de l'industrie du taxi. Alors, ce qui est assez rare pour être signalé, c'est qu'Eva, c'est une vraiment compétition directe et frontale avec Uber. Donc, c'est effectivement, dans le cadre des plateformes coopératives, c'est quand même assez rare. De ne pas choisir la stratégie de niche, là ils se confrontent. Donc, ils visent un marché de masse, mais ce qui a conduit évidemment à renforcer le nœud du financement et donc la stratégie finalement les a conduits à mettre en place une stratégie pour attirer du capital qui a reposé sur la création d'une entité incorporée, donc une société de capitaux, à côté de la coopérative, vers laquelle ont été transférés et la marque et le code de l'application, et ce qui donc finalement a fait perdre le contrôle de l'outil de travail aux chauffeurs et aux livreurs. Donc là, on est sur un cas assez poussé de d'isomorphisme dans ce cas. Le deuxième cas que je voulais simplement pour illustrer ce que je viens de dire, c'est donc à New York, où en fait ce n'est pas une plateforme coopérative, c'est un mouvement en fait parasyndical de livreurs latino-américains qui se sont constitués donc en collectif et qui ont en fait qui ont pensé l'option coopérative et qui ont d'ailleurs été beaucoup poussés pour ça, qui avait pas mal de soutien institutionnel, financier, organisationnel, technique, et qui ont décidé de ne pas créer la coopérative. Donc ils ont rejeté cette option-là, en considérant que le projet prendrait trop de temps, les détourneraient de leurs efforts d'organisation, que pour eux, l'approche centrée sur la défense des droits des travailleurs et des travailleuses, avec une forte dimension d'opposition au patronat, était stratégiquement plus efficace et aussi en termes de discours moins dangereuse. Et donc, en fait, elles ont considéré que constituer une alternative, et en se salariant dans l'alternative, présentait un risque, puisqu'elles abandonnaient politiquement et symboliquement aux plateformes le choix, en fait, de la classification du statut d'emploi, des conditions de travail, et donc contribuer à renforcer le discours libéral. Donc c'est simplement ces deux cas-là qui sont caricaturaux, mais pour montrer que voilà, cette critique en acte, elle peut... En fait, je pense qu'il faut garder une certaine réflexivité et clarifier nos présupposés et ne pas perdre de vue en fait, l'effet de ces utopies réelles sur leur environnement, au-delà des membres, des impitions qui peuvent se réchapper